LPP 106. Non, non, non, non, non. Truc de dingue, truc de malade, truc de malade, truc de psychopathe, truc de psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond, près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Hey. Non pas Saran. Grève générale. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission Au fond près du radiateur, tous les mardis de 19h à 20h30 sur 106.3 FM. Ce soir, on est avec Mouloud et Robinson. Et bonsoir. Moi-même, Mustapha. Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, ce soir, on va parler un petit peu du collectif La Lab, l'association féministe, et de ce qu'est le féminisme pour elles, et de ce qu'elles font, et tout ça. Elles ont un événement le samedi 6 mai à la Bellevilloise, sur Paris. On va parler aussi de ce qui se passe à peu près au Baumettes, dans le centre pénitentiaire. Le personnel de santé est en grève. Ils vont nous expliquer pourquoi ils sont en grève et qu'est-ce qui se passe, quelles sont leurs revendications et quelles sont les conditions sanitaires et médicales au Baumettes, et la création d'une nouvelle prison qui est les Baumettes 2, en fait, où il devrait avoir un transfert de prisonniers, en l'occurrence, là, au mois de mai, dans pas longtemps. Et on va laisser aussi la parole à quelques SDF, des sons qu'on a pris un petit peu à droite à gauche et qu'on va vous passer. Et tout de suite, Robinson va nous faire une petite pause musicale. C'est peut-être la dernière fois que tu m'aimes. Apprécie jusqu'à te lasser. Ensuite on t'étrangle avec des lacets. Marine, je mesure en hectare cube de terre de cimetière, recouvert d'immigrés et de pitules. Aujourd'hui je te crève, demain je t'enterre. Après-demain tu te relèveras pas, sois pas fier. Rame ton cul comme un steak, B-E-L-L-E-K. Même si la sueur t'engraine dans ton survêt, mec. Je t'ai cru quand tu me disais que tu restais ghetto. Jusqu'à la mort disais-tu, je croyais que t'avais les crocs. Deux jours, tu simules une vie de chien avec tes sauces. Après je te crame en club avec Tom Jones et des sex bombs. Je suis plus le même depuis que tu dis que tu fais des UV. Confidence pour confidence, crème coco et concombre. T'as mis du silicone aux lèvres pour faire les mini les man. Attends, sois sérieux, comment veux-tu que je t'engueule? Tu veux me clash, prépare l'instru mec. Entraîne-toi le jour J de mon sac à dos, je te sortirai. Mini moi, t'es mort mais tu ne le sais pas. Je suis le survivant des Ken. Il ne te reste que 7 secondes à vivre. Je balance la sauce, rage vrai avec ou sans assos. Je t'épargnerai même pas pour swapper sauce. Refrain. Balance la sauce, on n'est pas tes potes. On est plusieurs avec la faute, ça fait des spots. En point, on danse pas, on brûle les spots. Sur ta tête, bouteille de whisky, scotch. Balance la sauce, on n'est pas tes potes. On est plusieurs avec la faute, ça fait des spots. En point, on danse pas, on brûle les spots. Sur ta tête, bouteille de whisky, scotch. Tu veux me braquer avec ta ginette pour jambaminette? Tu veux que je rack minute, mec, on porte la même casquette. Tu veux mon espèce, ma caisse? Parce que j'ai un bon flow, 3 disques dans les bacs et un pied dans le ghetto. T'as quoi sous le cuir? J'lasse gun ou la crimo? T'as la gueule ou la guimauve? Mat dans les yeux quand tu back mino. T'aurais dû m'attraper plus tôt, la rue c'est pleine de putes. Quand j'étais sous le préau que tu faisais van et puis tête. Oh, tu frappes en rythme, la suite arrive. Balayette contre kidnap, garde la rançon pour tes funérailles. Ligoté au sapin de Noël, tu négocies. Pourquoi les types de mon gros s'y visent? Les brings à la bombe atomique. Oh, de vis cramé, pupille dilatée. T'as tiré sur combien de dates pour trouver ton courage gazier? J'arrive pas dit, dans le rap l'ami. Tellement défoncé l'ami que tu vas chier des cookies. Rage dans l'âme, traverse au rouge, dis bonjour aux dames. Tu veux pas que ta mère pleure un fils mort, t'as un biggie. Allez bouge avec ta lame et trace avec ta clique. 15 ans de vie, pas une raison pour bouger. On débarque en plein milieu de ton clip et on casse ta villa. En fait, t'as fait les filles, les autres dans la piscine en calcif et netta. J'ai tellement de potes, à ta fête, on fera un peplum. Whisky sur la moquette, on se tapera comme au saloon. Balance la sauce, on n'est pas tes potes. On est plusieurs avec la faute, ça fait des spots. En bois, on danse pas, on brûle les spots. Sur ta tête, bouteille de whisky scotch. Nous on se balance la sauce, on n'est pas tes potes. On est plusieurs avec la faute, ça fait des spots. En bois, on danse pas, on brûle les spots. Sur ta tête, bouteille de whisky. Mais où t'es pas sûr, ne te vois plus. Messagerie 24 sur 7 et t'as nous tu n'en plus. Quand tu nous vois dans la rue, tu te mets derrière les lampadaires. Ça se passe qu'un commentaire, comment se taire quand tu vois les dégâts des pelles. Ta gueule, je me dis pas que tu l'aimes pour une pelle, un S ou une pipe. L'expérience vaut bien des larmes et des pesos. Ok, tu t'es fait carotte, mon pote, ben t'es pas le preuve. Alors reprends ta queue pour la refaire. Au frère, ticket open voyage sur l'aile célibataire, pas terre. Lâche ton clito, reprends ta Clio. Arrête tes blagues de Roméo et mets toi pilo. Vas-y, balance. Balance la sauce, on n'est pas tes potes. On est plusieurs avec la faute, ça fait des spots. En boîte, on danse pas, on brûle les spots. Sur ta tête, bouteille de whisky scotch. Nous on se balance, balance la sauce, on n'est pas tes potes. On est plusieurs avec la faute, ça fait des spots. En boîte, on danse pas, on brûle les spots. Sur ta tête, bouteille de whisky scotch. Balance la sauce, on n'est pas tes potes. On est plusieurs avec la faute, ça fait des spots. En boîte, on danse pas, on brûle les spots. Sur ta tête, bouteille de whisky scotch. Toby or not Toby. Rebonsoir à tous et à tous et re-bienvenue à l'émission Au fond près du radiateur 106.3 FM. Ce soir, comme on l'a dit, il y a Guillaume qui va intervenir par rapport au personnel de santé en grève et à leurs revendications au Beaumet à Marseille. On a aussi quelques paroles de SDF à faire tourner. Et on a aussi le collectif La Lab qui appelle dans 4 minutes à peu près pour nous parler de leur association. Là, tout de suite, on vous lance un petit son qui va vous rappeler le premier tour des présidentielles. C'est une parodie sur les Bad Boys de Marseille de IAM. La vie est courte, les délices du malheur substantiel. Les socialistes trahissent, ça m'ont assassiné en plein ciel. Bye bye Benoît, on te fait plein de poutou poutou. Quitte la scène comme du bon d'Artagnan, un pour tous, tous ripou. Ces élections m'ont retourné comme une double peinée. Combien de gens savent réellement ce que le Pen est? Condamné à voter blanc jusqu'au bout, mais je peux quand même apprécier un débat sur France 2 comme vous. Restez lucide si ces sourcils troublent ma raison. Quand deux tours d'élection s'érigent à l'horizon. Mais vraiment c'est drôle, la philosophie de ces guignols élève nos espoirs pour les lâcher plus tard vers le sol. La salle est pleine à chaque meeting, à chaque débat la salle est pleine. Chacun sa route, chacun sa cheminade dans l'espace, cousin. Face au patron Arthaud, on sort son marteau rouillé. Tu reconnais bien là le stylo d'Arlette Laguillé. Tu peux pas les débusquer, mon patrimoine est publié. Je veux me faire confiance, je représente la France. À sa gosse de plus, Fillon. Toujours en course à la présidence. Un escroc à l'écro qui fera mal à ta team. Mais c'est un as, bro. Un breakeur de plus dans un cause. Maintenant, tu sais que dans notre pays, les politiques se déchirent. Multiplier leur empire, graver leur programme. Dans tes souvenirs, faire le mal. Car dorénavant, les ordures sortent du côté obscur. Sûr de t'avoir à l'usure, casier. Il est grave. Zimmermann, passant Sarkozy dans la légende. Le banquier Havre, arme blanche, l'air branché. J'ai le pâtissier tous les dimanches pour bouffer des financiers. Dans la rue, les militants serrent les reins, ferment même sans un franc. Oublie Marine comprend, elle a le racisme dans le sang. Dans leur meeting, noyé dans la masse, les rapaces manquent d'espace et se tirent dans les pattes. Fais gaffe aux arnaqueurs du mic. C'est la France, rien ne bouge, la population panique. Vol de biens publics, atmosphère tendue balkanique. Langue pendue, argent blanchi, longue est la liste. Réseaux sociaux, les assos se prennent pour des journalistes. On est vraiment fatigués par ces putains. Rebonsoir à tous et à tous et bienvenue sur l'émission Au fond près du radiateur 106.3 FM. Nous avons tout de suite Fatima avec nous du collectif La Lab. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Pourquoi La Lab? Pourquoi ce nom et vous êtes qui? Pourquoi La Lab? Alors très bonne question. La Lab, en fait, c'est ce qu'on appelle un néologisme. Donc c'est une création de mots et c'est composé de deux termes. Un qui est Lala, qui veut dire en arabe et plus précisément en dialecte marocain, madame. Et Lab pour laboratoire. En fait, c'est dire que en fait, la Lab, c'est quoi? C'est une association qui est féministe et antiraciste. Et c'est un laboratoire d'idées où foisonnent des idées pour combattre les préjugés envers les femmes musulmanes qui sont constamment au cœur des oppressions, au cœur de préjugés à maintes reprises. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de contrepoids en France. Et du coup, la Lab, donc, est un laboratoire d'idées où. Qui donne la parole à ces femmes musulmanes pour qu'elles puissent enfin s'exprimer et avoir voix au chapitre dans un débat où elles sont constamment réduites au silence. Voilà. Et comment est arrivée l'association en fait? Comment elle a été créée, partie, de quelle manière et pourquoi? Alors là, ça a été créé il y a un an, en 2015. En fait, ça a été le fruit d'un travail qu'ont fait les deux fondatrices, Justine Devillaine et Sarah Zouak, qui sont parties dans 5 pays musulmans à la rencontre au total de 5 femmes par pays, donc 25 femmes qui sont actrices du changement dans ces pays-là. Donc c'était le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l'Indonésie et le dernier, c'est l'Iran. Et du coup, elles ont resté un mois dans chacun de ces pays. Elles sont parties à la rencontre de ces femmes musulmanes qui font bousculer les choses, qui font bouger la société, qui font bouger les lignes dans ces pays-là. Et voilà, ça a fait un documentaire. Donc, un documentaire par pays où on suit 5 femmes qui sont des entrepreneuses, qui sont très actives dans la société où elles vivent. Et voilà, et c'était le but, c'était de montrer que dans ces pays-là, il y a des femmes qui sont musulmanes et qui sont actrices du changement, qui portent une voix qui est militante, mais qui est aussi une voix pour montrer que la femme musulmane, c'est aussi une femme qui est active dans de nombreux domaines. Et lorsqu'elles sont revenues en France, elles souhaitaient voilà, diffuser... ces documentaires au plus grand nombre via des projections et voilà, elles se sont rendues compte que face à la condition des femmes musulmanes aussi en France qui était souvent très mal représentée dans les médias et qu'il n'y avait pas un collectif féministe qui aille dans un sens où les femmes musulmanes sont prises en compte et du coup elles ont décidé de créer carrément une association pour donner voix au chapitre à ces femmes et les représenter, leur donner la parole et déconstruire tous les préjugés. Et ce qui est vraiment le socle chez La Lab, c'est qu'on est vraiment une association féministe, antiraciste et intersectionnelle. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les femmes qui ont plusieurs identités. On n'évince aucune femme et c'est vraiment les femmes musulmanes. Et au-delà des femmes musulmanes, c'est toutes les femmes qui ont une identité unique. Et voilà, on promeut cette pluralité, ce pluralisme qui fait qu'on ne retrouve pas souvent dans certains collectifs féministes. Et voilà, vraiment le socle, c'est vraiment l'intersectionnalité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'intersectionnalité, c'est en sociologie, c'est un terme qu'on utilise pour lorsqu'une personne a plusieurs identités, par exemple lorsqu'elle est femme, voilée, de couleur noire. Voilà, c'est plusieurs identités-là qui sont souvent, lorsqu'elles se croisent, victimes de discrimination. Parce qu'elle est femme, parce qu'elle est voilée, parce qu'elle est noire. Donc voilà, donc nous on promet vraiment toutes ces identités. Et voilà, c'est le cœur de la Lab. Du coup, la Lab, en fait, en quelque sorte, si, si je peux me permettre, tu me corrigeras si je me trompe en fait, c'est quelque part une réponse par rapport à des luttes qui sont menées depuis des années, et puis notamment à des attaques par rapport aux gens de confession musulmane en France, notamment par la loi anti-foulard de 2004 et d'autres lois qui sont venues après, une espèce de stigmatisation. Je vois en la LAB une forme de réponse en fait à un féminisme qui a longtemps prédominé en Europe et en France, qui est celui que j'ai connu quand j'étais tout petit en fait, celui qui défendait le droit à une femme d'être libre sexuellement, d'être libre sans être jugée, de pouvoir travailler sans être jugée, de pouvoir avorter sans être jugée, tout ça, ce qui est très bien d'ailleurs. C'est des combats très beaux et très nobles qui ont été menés depuis des décennies, mais on a l'impression des fois, enfin, des copines à moi qui étaient plutôt voilées en échangeant, en dialoguant, on a beaucoup l'impression qu'en fait, c'est plus devenu une espèce de lutte par rapport à ça, c'est devenu une espèce de dogme en fait. Pour être féministe, automatiquement, tu dois être athée, tu dois être libre sexuellement et autres, sans prendre en compte le fait que les femmes sont multiples. Mm-hmm. Et comme les femmes sont multiples, j'imagine que les féminismes également peuvent être multiples. Ouais. Et du coup, je vois plutôt en la LAB comme une réponse à peu près à ce féminisme qui a été longtemps prédominant en Europe et qui est toujours prédominant d'ailleurs, et en France. Tu le soulignes très bien, c'est vrai qu'en France, depuis longtemps, il y a énormément de collectifs féministes qui promeuvent une ligne assez homogène. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes femmes qui sont représentées, c'est toujours les mêmes individus qui sont mis en avant, et c'est toujours la même condamnation. C'est-à-dire on condamne le religieux, on exclut de facto les femmes qui sont musulmanes parce qu'elles sont soumises. Et c'est toujours dans cette... c'est pas tant une réponse, c'est plutôt un manque de contrepoids et de représentation dans lesquels certaines femmes ne se retrouvent pas. C'est-à-dire, il y a des femmes qui sont musulmanes et qui se battent pour les droits des femmes. Il y a des femmes qui sont voilées et qui se battent pour leur émancipation, qui sont très bien dans leur tête, qui sont émancipées, qui sont bien dans leur basket. Et c'était ce manque de représentativité dans le paysage féministe français qui manquait. Et du coup, la LAB a apporté une nouvelle pierre à l'édifice en disant, alors c'est pas tant une réponse, c'est plutôt vraiment une création. Voilà, on apporte un nouveau discours, une nuance dans le débat. Et on donne voix au chapitre, on laisse parler les principales concernées, parce qu'on parle tout le temps à leur place. Comme tu l'as dit, c'est toujours les mêmes femmes, c'est les femmes athées, etc., qui stigmatisent la religion et qui stigmatisent les femmes voilées parce qu'elles sont soumises avec leur voile qui est signe d'oppression. Mais on les laisse rarement parler, ces femmes. Donc si on leur donnait de temps à autre la parole, si on leur donnait le micro pour qu'elles puissent s'exprimer, ce serait intéressant aussi d'entendre leur voix et d'entendre leurs revendications et d'entendre leurs paroles. Et on se rend compte, et on s'en est rendu compte avec la LAB, que ces femmes-là, elles sont absolument opprimées, elles sont au contraire très bien à leur tête, et elles décloisonnent un peu le débat, et elles disent, voilà, on est voilées, mais on est très fières, on est des femmes bien dans nos têtes, et c'était ça, en fait, c'est plus un manque de contrepoids face à ces féministes classiques qu'a voulu apporter la LAB en créant ce féminisme inclusif, intersectionnel, qui promeut le pluralisme des identités, que tu sois noire, que tu sois blanche, que tu sois asiate, qu'importe d'où tu viens, on promeut toutes les différences. Et c'est pour ça que je dis que c'est certes une fille, on défend ça, ces femmes musulmanes, mais ça va bien au-delà des femmes musulmanes. C'est vraiment toutes les femmes dans leur unicité et dans leur singularité qu'on met en avant. Pour dire, voilà, contrairement au féminisme classique, nous, on ne cloisonne pas notre débat, on l'ouvre, on dit à tout le monde, vous êtes les bienvenus, on est bienveillantes, on accepte toutes les femmes. Et c'est vrai que la nuance est portée sur les femmes musulmanes parce que c'est celles qui sont le plus victimes de discrimination, malheureusement, en France. Et voilà, c'était plus une nuance dans le discours, dans le débat, apporter sa pierre à l'édifice en donnant la parole à ces femmes-là pour lesquelles on parle souvent, à la place de... Parce qu'on parle souvent à leur place, et là, leur passer le micro et leur dire, vous pouvez vous exprimer, et la LAB, c'est ce que fait la LAB. Et du coup, ça se traduit comment? Parce que tu m'as parlé de documentaires qui ont été créés en parcourant un petit peu le monde. J'imagine que vous les avez diffusés, ou vous avez créé des événements autour de ça. Et j'ai vu que vous aviez une espèce de magazine en ligne, si on peut dire ça. Ouais. Et du coup, j'imagine que c'est un des outils que vous utilisez pour pouvoir communiquer ou informer ou faire. Alors, comme je te disais, la LAB, c'est se réapproprier son récit, c'est la narration. Et donc, nous, nos outils de narration, les moyens par lesquels les femmes puissent s'exprimer et avoir voix au chapitre, c'est à la fois le documentaire. Donc là, c'est l'épisode 1 du Maroc sur les 5 femmes marocaines qu'ont rencontré Sarah et Justine, qui a été diffusé dans... Il y a eu 60 projections dans la France entière. Et plus de 6 000 personnes qui l'ont vu, ce documentaire. Donc, c'est quand même une belle réussite. On en est très fiers. Et il y a aussi le magazine en ligne, c'est certes une association, mais c'est aussi un magazine en ligne où il y a plus de 80 personnes, qui, enfin femmes musulmanes qui, et non musulmanes d'ailleurs, qui écrivent sur le site et qui, voilà, et qui parlent de différents sujets, sur, que ce soit les préjugés, les, sur les femmes que j'ai déjà entendues sur le voile, le top 5 des préjugés sur les femmes voilées. C'est vraiment les femmes qui se réapproprient leur narration, leurs paroles, et qui, on leur donne cet outil-là grâce à la plume, grâce à l'écriture. Elles écrivent une nouvelle histoire, elles créent une nouvelle page dans le débat féministe. Et voilà, donc ouais, c'est à la fois une association, mais c'est aussi des outils d'émancipation à travers l'écriture et la prise de parole, enfin, plutôt le documentaire, pour parler de son histoire et la raconter avec ses propres mots plutôt qu'avec ceux des autres femmes féministes classiques qui parlaient à notre place. Et là, ça va bientôt faire un an qu'a été lancé la Lab. Enfin, ça va ouais. faire un an. Du coup, vous fêtez ça samedi, il me semble. Exact. À la Exactement. Belle Villoise à Paris. Yes. C'est ça. Donc, la Lab a été créée en effet en mai 2015. Et là, on va fêter le 6 mai là, qui arrive, donc ce samedi, les 1 an de la Lab. Donc, on est très heureuse de cet événement. Donc, c'est le 6 mai à la Belle Villoise. C'est de 13h30 à 23h. Donc, c'est un événement, un festival inclusive, féministe et antiraciste, et qui est placé sous le thème de la sororité. Donc la sororité, c'est ce lien immuable entre toutes les femmes, c'est la fraternité au féminin, c'est vraiment revendiquer ce côté très, voilà, on est sœurs, on est bienveillantes entre nous, on est des sœurs de cœur, on est des sœurs de sang, on est des sœurs, voilà, c'est vraiment dans un contexte très, très bienveillance et voilà, vraiment souder, créer un bloc commun immuable de sœurs, de femmes qui se considèrent comme telles. Donc voilà, donc c'est sous le thème de la sororité et ça sera, il y aura plusieurs choses, il y aura des talks inspirants de plusieurs femmes musulmanes. Il y aura par exemple Wissa Lachargi et Komba Samake qui sont cofondatrices du collectif féministe contre le cyberharcèlement. Il y aura Mariam Tirani qui est entrepreneur sociale et qui va également parler. Il y aura des femmes comme Isman Chouder. Enfin, vraiment, il y aura des talks inspirants. Il y aura aussi des tables rondes avec des échanges narratifs, donc se réapproprier son récit par l'art et la culture. Donc, ce sont des femmes qui vont réexpliquer, enfin, qui vont se narrer qui elles sont, raconter leurs histoires avec leurs paroles. Donc, on leur donne le micro et elles s'expriment de cette manière. C'est aussi un forum avec des boutiques de femmes entrepreneuses qui viennent vendre, que ce soit des bijoux, des vêtements, des sacs, de la danse également, de la librairie, aussi une librairie féministe, une exposition et de la nourriture, enfin, là, pour manger, il y a évidemment le gâteau pour les 1 an, et un concert à la fin de la journée. Donc c'est une programmation assez riche et assez éclectique. Et voilà, donc il y aura à la fois des talks, il y aura à la fois des forums, un débat et des ateliers. Et bien évidemment, c'est ouvert à tout le monde, que ce soit homme ou femme, jeune, moins jeune. Il y a aussi un petit coin, la Lab Babies, pour accueillir les petits bouts de choux qui peuvent également venir à cet événement avec leurs parents. Il y a un prix d'entrée ou une préinscription à faire ouais. ou pas ? Alors il y a une inscription en effet, il y a une billetterie qui est ouverte sur lalab.org, lalab.org, et c'est 17 euros l'entrée. Et ensuite après, il y a des tarifs en fonction de l'âge et de la situation. Donc je ne connais pas exactement tous les tarifs par cœur, mais c'est sur lalab.org et voilà, c'est sur inscription et la billetterie est en ligne sur le site et sur la page Facebook de la Lab. D'accord. Et du coup, on peut vous trouver sur ce site-là quand on veut rester informé ou quoi que ce soit de ce que vous faites ou de ce que vous projetez. Alors, on est très actifs sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, donc la page c'est la Lab, Asso la Lab. Sur Twitter également, la Lab, L-A-2-L-A-B. Sur Instagram également, c'est la Lab. Et le site internet, c'est www.lalab.org. Merci Fatima. On va bientôt se quitter. Merci Moustapha. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Ça peut être quelque chose sur la Lab, mais ça peut être aussi quelque chose personnel. On est entre deux élections, ça peut être sur ça, ça peut être sur autre chose. La Lab Buzz Day, les 1 an de la Lab, c'est ce samedi, c'est la veille des élections. Moi, personnellement, les élections, je sature énormément. On en rend à droite, à gauche. Marine Le Pen, Macron, les scandales, les machins, les trucs. Au bout d'un moment, enfin, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui en ont un peu marre d'entendre toujours d'avoir tout ce constamment cette actualité sur les élections qui nous bouffe le cerveau et on sature clairement. Et du coup, voilà, je trouve que le festival féministe, il arrive à point nommé parce que c'est comme la veille des élections et c'est une manière de descendre l'atmosphère. Et on est très contente aussi d'organiser cet événement parce que c'est, voilà, ça nous fait un bol d'air frais dans cette actualité qui est plutôt morose et vraiment une dose de bonne humeur, de joie, de bienveillance. Et ça peut paraître très utopique dit comme ça ou très bisounours, mais c'est vraiment le côté. Enfin, je trouve qu'on manque malheureusement dans la vie, enfin, avec tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, que ce soit les attentats, les trucs, les terrorismes, les débats sur l'identité nationale. Au bout d'un moment, faut aussi être fier de qui on est, faut aussi revendiquer son identité dans la joie, la bonne humeur et dans le respect de l'autre. Donc, du coup, la LAB nous offre une bouffée d'oxygène samedi à partir de 13h30. Franchement, oui. Franchement, ouais. Et je vous invite à venir à notre événement samedi. Vous verrez que c'est vraiment une belle programmation et vraiment dans la joie, la bonne humeur et la bienveillance. C'est ce qu'il nous faut, je pense, parce que malheureusement, avec l'actualité dans laquelle on nage tous les jours, c'est un peu tristouné de constamment voir sa télévision, ouvrir sa radio, enfin allumer sa radio et de voir toujours des choses assez prises dans l'actualité. Et là, je pense que franchement, le festival féministe, il nous bouffe énormément de temps, mais c'est vraiment une bouffée d'air frais. C'est vraiment un plaisir de le faire et ce sera encore un plaisir de voir tout ce monde là samedi à la belle villoise. Merci encore, hein, Fatima. Et merci à toi et à toute votre sororité, si je peux dire ça comme ça. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Salut. Du coup, là, on va faire une pause musicale. On va enchaîner avec Robinson qui va nous mettre un son assez agréable pour nous évader. Marche arrière, le gouffre. Tu peux parler de bien. Ok. Ok, la vie est un boulevard, la poisse un dodane. La crise et le désespoir nous passent la pommade. C'est grave, ça traumate, je commence à pâlir. Et je prie pour que mon avenir me fasse pas trop mal. Ça pétave, ça commande, on évacue la peine. J'écris ça dans la pluie, j'ai déjà bu la taille. J'ai un but, mais t'as vu, car c'est pas ce que j'atteigne. Occupe-toi de ta tribu, moi faut que j'assume la mienne. Me parle plus de la veille, je pense à mon cœur. Fais m'aimer toute la vieille, je fantasme un peu. Laisse-moi dans mon brouillard. Le temps que je fasse un vœu, la vie n'est qu'un boulevard. Et souvent je crame un feu, rien à foutre. Tu sais bien qu'on vit qu'une fois. Fou sur la route, je fous des joints, je continue de boire. Tout ça me dégoûte, mais je tiens bon, figure-toi. Pas toute la passion, c'est un don qui ne s'use pas. Je te parle de gain, mon gars, fais pas que d'un. Le temps qu'on s'attend pas, lâche ta pédale de vin. Car malgré ce taf de chien, la merde se revient. La réserve au plus bas, moi faudrait que je fasse le plein. Je te parle de gain, car fais pas que d'un. Le temps qu'on s'attend pas, lâche ta pédale de vin. Car malgré ce taf de chien, la merde se revient. La réserve au plus bas, moi faudrait que je fasse le plein. Alors cesse de bombarder ma couille, ça rapporte guerre. On se retrouve condamné, ça bouillave l'atmosphère. Damné, on est tous à la gorge, frère. On espère se balader, le coude à la portière. Pousse-toi de la bordel, tu gênes le passage. Frollo, réveille-toi, faut que tu cesses de boire chave. Dans mes couplets, y'a que du stress, de la rage. Sache qu'on a loupé de justesse le carnage. Faut becter, ça devient dur de s'y plaire. Aujourd'hui, l'honnêteté a besoin d'une civière. Misère, quand y'a plus de points sur l'hyper. Ce boulevard n'est vraiment qu'une putain de ruche m'hyper. Et j'perçois comme un satané présage. Éviter de s'attarder, là ça me paraît très sage. Savoir s'adapter, t'as capté le message. Pas de clarté sur le pavé, faudra casquer le péage. Je te parle de gain, mon gars, fais pas que d'un. Le temps qu'on s'attend pas, lâche ta pédale de vin. Car malgré ce taf de chien, la merde se revient. La réserve au plus bas, moi faudrait que je fasse le plein. Je te parle de gain, mon gars, fais pas que d'un. Le temps qu'on s'attend pas, lâche ta pédale de vin. Car malgré ce taf de chien, la merde se revient. La réserve au plus bas, moi faudrait que je fasse le plein. Je te parle de gain, fais pas que d'un. Paco, le gouffre. Marche arrière. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue sur l'émission Au fond près du radiateur 106.3 Radio Fréquence Paris Pluriel. Nous avons eu la LAB tout à l'heure, le collectif féministe, pluriel d'ailleurs, qui nous a parlé de son événement et un petit peu de son histoire et du pourquoi ils étaient là et comment ça se faisait. Là, on va lancer un son sur des paroles de SDF qui ont été glanées. Après, on aura Guillaume qui va nous parler de ce qui se passe au niveau des baumettes et du personnel de santé qui est détaché des hôpitaux de Marseille sur le centre pénitentiaire. Et tout de suite, on va s'écouter un petit son qui remonte à 2010, en fait, et qui avait été pris à l'époque sur un SDF et sa façon de voir les choses et de penser. Parce que t'es un humain et t'es pas un gavé, t'as une éducation, t'as une culture, quelle que soit d'où elle vienne, t'as quelque chose qui fait que tu te rends compte qu'il y a une injustice sur Terre, une fracture terrible. Il y a déjà une injustice culturelle et artistique. Il y en a une autre qui est monétaire et puis de foyer, de maison, de terrain. Je te dis, tout homme devrait naître avec un terrain et la maman donnerait les rideaux, le papa les outils, l'enfant apprendra à construire une maison. Tout ça, ça disparaît. Ça te fait des hommes robots. Ça. Même les SDF, ils sont robots. T'as vu ce qu'ils encaissent? T'as vu comment ils sont, dans quel état? Et ils vont encore durer 10 ans comme ça. Un jour, ils tomberont, on n'en parlera plus, on ne saura même pas qu'ils existent. Il y a un truc horrible de culture fait par les médias et tout ce que tu sais, les fenêtres de HLM, de la télévision, là. Tout ça, c'est, ça gave. Alors maintenant, on ne regarde plus les pauvres, on appelle la police ou on passe le trottoir. Mais malgré tout, il y a des sacrés bonnes gens hein, qui ne s'arrêtent pas forcément pour donner, mais qui te donnent un petit conseil, qui t'amènent des plats, qui finissent par te sortir de tout ce plomb où tu baisses les yeux. Pas parce que je suis miséreux, je ne le suis pas. Mais parce qu'il y en a d'autres qui gagnent pas ce que je gagne en faisant la manche, même en touchant ma pension. Je suis sous curatelle, excusez-moi, monsieur le président. Vous gagnez des milliards. À quoi faire? Non. C'est la révolution, quoi. Mais il faut gommer le R de révolution pour faire des évolutions et des circonvolutions, c'est beaucoup plus rigolo. Parce que les révolutions, ça fait toujours des vengeances, des armes, des guerres. Oh, mais on est mal barré, hein. Nous, on ne le connaîtra pas. Hein. On ne connaîtra pas l'amélioration ou la voie ou la direction ou la lumière qu'amènera un parti ou un président ou un groupe d'hommes et de femmes qui auront vraiment un autre pouvoir. Mais tes enfants commenceront. Ils iront pas à McDonald's, ils iront pas à Walt Disney, ils iront écouter les contre-roumains, tchétchènes, yougoslaves. Qui sont pas mystiques, mais qui sont d'une beauté qu'on n'apprend jamais aux enfants en France. On apprend De Gaulle, on apprend les Gaulois, Astérix. C'est beau, Astérix, mais faut pas abuser. C'est devenu McDonald's, Astérix, maintenant, quand t'achètes un Big Mac. Tu vois, tout ça, c'est complètement faux. C'est faux. C'est gaver l'homme pour pas qu'il pense. Chut. Alors, on vient des petits esprits, des petits... Ah, on est parfait, on est beau, on est respectable, on est... On est civil, on est civique, on est citoyen, on est bleu, blanc, rouge, on a son pays, terre d'accueil, mosaïque culturelle. Tiens, la belle blague. Il nous faut monter dans les étoiles, alors qu'on cultive plus le jardin avec le râteau, on ne met plus de graines, on ne fait plus de petits trous avec les doigts de l'enfant pour mettre une graine et lui apprendre. Maintenant, tout est sous vide, sous-emballé. Où tu vas, maintenant, tu vas en province, tu verras encore des grands-mères qui font le jardin, où il y a encore des gens qui amènent les légumes à leurs enfants à Paris. Il y a encore des tas de belles choses. Mais tout ça, un jour, on te le fera payer. Comme on fait payer le regard au SDF quand il demande une petite pièce. Tous ces gens nickelés, propres, brillants, sentant le parfum ultra chic. Mais ils te pompent les yeux quand tu leur demandes une petite pièce ou même un renseignement. S'il n'y a pas un foyer ou un truc, ils t'envoient balader. Enfin, c'est un peu l'amalgame, mais il y a une injustice culturelle et artistique de consommation qui est horrible, qui est horrible. Il faut faire une armée d'humour et d'amour avec les enfants que vous aurez et les spectateurs que vous êtes. Une armée d'humour et d'amour. Bonsoir sur l'émission Au fond près du radiateur 106.3. Là ce soir c'est la Lab, la voix aussi des SDF et on aura tout à l'heure Guillaume sur le personnel pénitentiaire, personnel médical qui est détaché dans les centres pénitentiaires, notamment au Beaumet à Marseille. Là, on s'est écouté un son d'une personne qui s'exprimait en 2010, en fait, c'était à l'époque des Don Quichotte, tout ça. On va entendre tout de suite un couple de SDF qui va nous raconter un petit peu sa vision des choses et ce qui lui arrive. Oh, en étant à la rue, malgré que je travaille... Quand j'ai des saisons à faire, je ne suis pas ESM. Quand j'ai pas de saison, je suis à la rue, je fais la manche. Et je me borne au niveau du gouvernement. Pourquoi ne pas donner de logement à des gens qui sont à la rue? On sait capable de faire des choses. Oui, d'accord, envoyer de l'argent dans les pays à gauche, à droite, mais donner au moins aux gens qui veulent s'en sortir. Moi, à 70 ans, militaire de carrière, légionnaire, aujourd'hui mon pays m'a tourné le dos. Je dis à M. Tiberi, comme je lui ai dit en face, les quatre vérités. Avoir un toit pour moi et ma femme et retrouver du travail. Mais à travailler au black, je refuse pas. 8 heures, 10 heures, j'ai 5 CAP, un BTS dans les mains. Aujourd'hui, on me dit non, vous êtes trop vieux. Quand j'ai dans les boîtes d'intérim, non, moi je veux retrouver une situation stable. On dit toujours, ah ben non, mais non, faut travailler. Travailler, mais comment travailler? Quand vous êtes dans la rue, comment travailler? Vous êtes comment? Hein? Vous êtes pas bien? Vous êtes pas bien dans votre tête? Vous êtes pas bien dans votre peau? Vous êtes pas bien dans vos affaires? Alors, allez travailler où? Où exactement? De Paris, je suis bien content. Tous les matins, trouver des gens, des éboueurs, des cantonniers qui me donnent des sacs poubelles pour mettre les déchets. Et je peux leur demander un rouleau de sacs poubelles. Il n'y a aucun problème. La ville reste propre. Mais seulement quand tu as des touristes qui vont voir des monuments qui laissent, dont les catacombes. Quand tu as des touristes qui vont voir les catacombes, qui laissent de la boue dans les sacs, le soir, les rats, ils sortent, ils attaquent le sac, et j'étais mordu par un rat. Donc, ce qui m'a coûté, cette blessure. Voilà, la morsure d'un rat. Eh bien, et nickel. Et moi, je dis que dans cette ville, c'est vrai que les gens sont respectables. Bon, c'est vrai qu'on peut tomber sur une personne qui va t'envoyer balader. Mais, comment tu veux? On t'envoie balader, t'as pas de logement. Comment tu veux revenir sur le système du travail? Comment tu veux travailler, dormir dehors? Comment savoir se réveiller? Comment savoir se laver tous les jours? Savoir se présenter à l'employeur? Cela n'est pas facile. C'est toute une vie sans chaîne. Ça veut dire, pour moi, tu prends une chaîne, si tu n'as pas le dernier maillot, jamais tu pourras t'en sortir. Voilà. Et madame dira ce qu'elle pense aussi. La même chose. Ce que a dit monsieur Jacquelin, c'est la vérité. Et pourtant, on a fait le nécessaire. Quand je vois les gens qui sont dans la merde, excusez-moi l'expression de le dire dans la merde, hein, et qu'en fin de compte, on leur dit, voilà, monsieur, est-ce que vous avez une petite pièce? Est-ce que vous avez même une petite pièce jaune? Qu'est-ce que c'est qu'une petite pièce jaune, hein? Dans peu de temps, qui c'est qui va revenir, hein? C'est une personne qui va revenir pour refaire les pièces jaunes. Alors, on demande juste une petite pièce jaune. Et moi, je donne même, moi-même, étant SDF, sans rien du tout, sans domicile fixe, sans rien du tout, et je donne encore 20 centimes. 20 centimes. Qu'est-ce que c'est que 20 centimes donnés à une personne? Attends. Comment voulez-vous? J'ai ma femme qui m'a fait 3 comas d'embolie cérébrale. Elle est hospitalisée en réanimation pendant 2 mois. Moi, je me tue à demander qu'on l'envoie en maison de repos. Tout ça, pourquoi? Parce que madame n'a pas la CMU, moi j'ai pas de CMU. Et moi, j'ai demandé une CMU, ça fait 10 mois j'attends. Donc, moi, je trouve qu'on se fout un peu de moi. La seule chose qu'on me dit, ah oui, mais faut, est-ce que vous avez une assistante sociale? Ah, l'assistante sociale, ah oui, mais quand est-ce qu'on a, on a toutes les choses au niveau de l'assistante sociale? Ah oui, faut me dire dans une journée, dans 3 jours, à une semaine, à 4 jours, hein? Et dans combien de jours aussi encore, hein? Après, ah ben oui, mais non, on peut pas vous donner tout de suite. Ah, mais oui, mais non, ah ben vous avez pas encore tous vos trucs. Ah, vous êtes où, hein? Donc, dans quelle ville? Ah ben, dans quelle ville il faut être? Alors, on a tous les papiers. Alors... Mesdemoiselles et messieurs, j'espère qu'un jour ou l'autre, ne serait-ce que même pour vos enfants, que vous n'aurez jamais ce problème que j'ai à l'heure actuellement avec moi et mon mari. Et éventuellement, je peux vous assurer que c'est dur de vivre dans la rue. Je le souhaite à personne. Sur n'importe quelle personne, je ne souhaite à personne. Parce que du jour au lendemain, ça peut arriver à n'importe quelle personne. Maintenant, si les politiciens ne sont pas capables de répondre, je voudrais bien que quelqu'un sort de son cercueil. Ça serait Monsieur Coluche. Monsieur Colucci, qui est mon ami. Et lui qui a brûlé les Restos du Cœur pour donner la nourriture aux pauvres, qu'il a créé des maisons pour les gens dans la misère. Donc, je voudrais que Sarkozy vienne nous voir un jour. Et là, on verra la vérité en face. Et en plus, avec les enfants du canal Don Quichotte, j'ai leur mis à Bastille dans les toiles de tente. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on nous prenne pour des cons. Voilà. Convivialité au niveau de tout le monde, au niveau de tous les passants, de toutes les personnes. Il y a certaines personnes qui sont au contraire conviviales. Au contraire. Et encore, des fois même, c'est des personnes qui comprennent ce que vivent les gens. Mais des personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est que de vivre, donc on appelle ça dans un trottoir, de vivre carrément dans la rue. Un lycée dans la banlieue nord de Paris. Il est 17h. La fin des cours vient de sonner et tous les élèves s'apprêtent à rentrer chez eux. Tous. Enfin, presque tous. L'un d'eux m'a donné rendez-vous. Il s'appelle Hassan, il a 17 ans, il est en CAP mécanique et il m'a demandé de cacher son visage. Parce qu'Hassan n'est pas un lycéen comme les autres. En ce moment, je dors à l'hôtel ou dans la rue, un peu à droite et à gauche, quoi. Tu sais jamais où tu dors le soir, du coup ? Non, je sais jamais, quoi. Et tous les soirs, c'est comme ça ? Oui, tous les soirs, c'est comme ça. Hassan, en fait, c'est un lycéen sans papier, mais surtout, il est SDF. Je ne pensais pas que cela pouvait exister en France aujourd'hui. À quoi ça ressemble une vie de lycéen SDF ? J'ai passé 24 heures avec lui. Sa situation est insupportable et scandaleuse. Alors que tous les gosses rentrent chez eux et font leurs devoirs, lui, sa priorité, c'est de trouver un endroit pour dormir. Je lui demande de montrer les plans qu'il a pour se poser la nuit. Ici, un pont, il y a passé près d'un mois. J'ai dormi ici sur le pont avec des autres gens, mais on n'avait pas de choix. J'arrive pas à croire que je suis devenu un clochard, quoi. Et le matin, quand tu vas à l'école, les gens, ils savent pas que t'as passé la nuit dehors ? Non, je le dis pas. Hassan n'a pas envie de passer pour un clochard. Il me dit qu'il a honte. Alors certaines nuits, il préfère marcher et errer jusqu'au petit matin. C'est-à-dire que tu passais la nuit dehors pour passer ouais. Le temps toute la nuit ? Ouais, passer le temps. Et tu dormais pas ? Non. Et pourquoi tu te posais pas dans un endroit ? Je pouvais pas. Pourquoi ? Je sais pas, parce que j'avais l'honte, quoi. La honte qui l'empêche de se poser. Ça veut dire qu'il va à l'école sans dormir, sans se laver. Nous marchons ensemble dans la nuit. Hassan m'explique qu'en ce moment, il a un plan B, un plan de secours. Il me conduit dans les locaux d'un syndicat lycéen, la Fidèle. Ah là là là là là, poussez où là ? J'arrive avec Hassan et là j'hallucine. Dans une pièce, d'autres lycéens SDF et sans papier. Ils sont 8 ce soir à être en galère comme Hassan. C'est le syndicat étudiant qui les prend en charge et personne d'autre. Logement, nourriture. Depuis un mois, une poignée de lycéens se mobilise. Habir dirige le syndicat. Il fait avec les moyens du bord. Et c'est mieux que rien. Il va me raconter comment pendant 15 jours, il a hébergé dans les locaux jusqu'à 25 lycéens SDF. Il dormait à 10 dans cette salle. Il mettait la table sur le côté, certains dormaient sur le canapé, d'autres se procuraient des matelas ou encore de cette salle de couchage qu'on leur prêtait ou qu'on nous a apporté. C'est même là-dedans, quoi. Pour 15 lycéens, maintenant ils sont 23, c'est pas une situation, quoi. C'est un truc qui n'est pas vivable. Les potes d'Hassan, lycéens SDF comme lui, je vais les voir aussi pour qu'ils me racontent. Ils viennent du Mali, du Sénégal ou encore du Nigeria. Des fois, les soirs, on ne mange même pas. C'est comme ça qu'on vit. Juste pour réussir, quoi, pour aller à l'école et être quelqu'un de bien dans la société. It's difficult, you know, sleeping outside, going to school, you know. It's like a challenge, you know, so you have to fight with challenges, you know. You have to get what you want, you know. But it's not easy. Ce soir, personne ne dormira au local étudiant. Le syndicat a lancé une collecte de dons et a récolté suffisamment d'argent pour payer une chambre d'hôtel. Pour eux, ce n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. Il est déjà tard et tous sont crevés. Ils veulent aller dormir, se poser tout simplement. Vous-même, vous savez que chaque jour, à payer l'hôtel, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ils sont juste fatigués de ne jamais savoir à l'avance où dormir. Mais pour le moment, pas d'autre solution. Alors on se remet en route. Plus d'une demi-heure de métro, on marche encore, on se perd, on galère pour trouver l'adresse de l'hôtel. Et ce n'est pas terminé. Enfin arrivé devant l'établissement, là ça continue. Le gérant nous refuse l'accès. Motif, il y a des mineurs dans le groupe et personne n'a de pièce d'identité. Pièce d'identité de chacun. S'il y a des mineurs, ils ne vont pas accepter. Les garçons me demandent de tourner en caméra discrète. C'est tendu avec le gérant de l'hôtel. On va attendre plus d'une heure et demie dans le froid qu'un responsable du syndicat vienne débloquer la situation. Pour évacuer le stress, on parle de foot, comme avec tous les gamins de leur âge. T'es support au Barça ? Oui. Au revoir. Il est plus de 23 heures. On est enfin dans l'hôtel. Tous sont exténués. Pour seul dîner, ils se partagent une pizza pour 8. Puis très vite, ils filent dans leur chambre. 4 dans une chambre de 12 mètres carrés. Hassan est KO. Il n'a pas le moral ce soir. Il doute pour son avenir. Je fais tout ça pour venir ici, pour avoir une vie normale. Je crois pas que je peux étudier, quoi. Tu penses que tu vas l'avoir, ton diplôme, ou pas ? Avec un logement, oui, mais sans logement, sans, je crois pas. T'as sans... peur ? Et oui, j'ai peur. Au petit matin, je retrouve Hassan. Il semble avoir récupéré. Il est en route pour l'école. Malgré ses galères et ses coups de blouse, il reste motivé. Il a un rêve en tête. C'est quoi ton rêve plus tard ? Plus tard ? D'être un grand mécanicien ? Pourquoi pas un ingénieur de voiture, quoi. C'est ton rêve ? Oui. Il faut que je j'étudie, quoi. Tous les jours. Il faut travailler dur. On est presque devant le lycée. Hassan ne veut plus que je filme. Ses camarades ne sont pas au courant de sa situation. Je le vois entrer seul dans le lycée, son sac sur le dos. Il redevient presque un lycéen comme les autres. Jusqu'à la nuit prochaine. Bonsoir à toutes et à tous et re-bienvenue sur FPP, l'émission Au fond près du radiateur 106.3 avec Robinson, Mouloud, Moustapha. On a eu le collectif Lalab tout à l'heure, un collectif féministe pluriel musulman notamment. On a entendu plusieurs voix, des voix de sans voix en général, des voix de SDF qui ont été glanées à droite à gauche sur le net. On aura tout à l'heure Guillaume du personnel de santé des hôpitaux de Marseille qui est détaché dans le centre pénitentiaire des Baumettes. Là, je voudrais vous dire juste un texte de SDF qui est assez compliqué, et assez dur à dire parce que c'est compliqué. Qui est je suis SDF et je vois vos regards qui tombent sur moi, qui me jugent, qui me jaugent, qui parlent derrière moi. J'essaie de lutter, mais quand je lutte à vos côtés, il n'empêche que le système contre lequel je lutte, il se reproduit aussi dans la lutte. Vous me jugez, comme si ma parole n'avait pas de valeur. Comme si le fait d'avoir été castré par la société, d'être devenu SDF ou pauvre, faisait de moi un handicapé dont on a honte. Le seul regard qu'on m'accorde, c'est celui du misérabilisme, d'une forme de paternalisme, d'une forme de compassion qui se résume à... On te donne un sandwich quand on te voit dans la rue, ou une pièce. Ou quand on te voit dans les luttes, on te met de côté, on te met à l'écart. T'es mal fringué, t'es pas assez swag. T'as pas suffisamment d'argent pour t'acheter des vêtements propres ou neufs ou qui te vont à ta taille. T'as pas assez d'argent pour renouveler ta tenue vestimentaire ou ton placard vestimentaire, et c'est compliqué pour toi. Mais je vous vois me juger, me déconsidérer, comme si ma parole était de moindre valeur que la vôtre. Comme si vous, quand je dis vous, je parle de ceux qui sont dans la lutte, qui appartiennent à des catégories socio-professionnelles plus ou moins élevées, qui sont universitaires ou autres, et qui sont pour moi des enfoirés de première, en fait, et pas autre chose. Parce qu'en fait, vous voulez nous empêcher de parler quand on lutte. Quand on lutte et qu'on est victime, vous nous empêchez de parler. Quand on lutte et qu'on connaît les problèmes de pauvreté ou de logement ou autre, vous nous empêchez d'agir. Vous nous empêchez d'être en première ligne. Vous nous empêchez de parler. Vous nous empêchez de prendre notre espace, l'espace qui nous est dû, la parole qui nous est due. Vous accaparez notre parole alors qu'on ne vous l'a pas donnée. Ni on vous l'a donnée, et ni en partie on vous aime, parce qu'en fait, vous avez du mépris pour nous. Sur les réseaux sociaux, on vous voit, vous avez de l'empathie. Vous avez de la compassion, de la sympathie. Quand vous parlez, on vous entend parler, oui, il y a de plus en plus de pauvres, oui, il y a de plus en plus de gens sans logement, mais on n'est que des chiffres, ou des photos, ou des gens croisés dans la rue, comme ça. Mais dès qu'il y en a un qui se met à lutter à vos côtés, vous montrez le mépris plus intense, un mépris qui est insoutenable. Et dans ces élections, ceux du premier tour, par exemple, il n'y a aucun parti, en fait, qui propose quelque chose ou qui s'adresse à moi en tant que SDF ou en tant que pauvre. Deuxième tour, je ne vous en parle même pas. Mais rien que le premier tour, il n'y a personne. La plupart d'entre vous, vous êtes des pourris quand vous vous présentez. Vous êtes pris dans un système où pour vivre, vous avez besoin de ce système. Ou pour faire de l'argent, vous avez besoin de ce système. Ou pour vous, la lutte, c'est un hobby. Alors que pour moi, ça n'est pas un hobby. C'est une situation que je vis et dans laquelle je suis obligé de lutter et je suis obligé d'agir. Ben, c'est chelou à lire quand même, parce que c'est assez chaud et c'est assez tendu. Je vous propose d'enchaîner une pause musicale rapidement, ou peut-être on a Guillaume Desbaumettes qui est au téléphone. Du coup, on va enchaîner avec Guillaume Desbaumettes. Enfin, ça fait bizarre de dire Guillaume Desbaumettes. Guillaume n'est pas Desbaumettes. Ça fait très bizarre. Dans le sens, il n'est pas incarcéré au Beaumont. Exactement, que tu expliques qui. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Moustapha. Ouais, ben on va enchaîner tout de suite avec toi. Ouais. Du coup, Guillaume, t'es d'Union Locale Syndicale ? Alors, je fais partie de l'Union Locale CGT Marseille Sud, et je suis aussi, j'ai aussi des responsabilités syndicales au sein des hôpitaux sud, au niveau de la PHM. Et du coup, là, c'est le personnel hospitalier qui est détaché dans les centres pénitentiaires, celui des Beaumettes. Dans l'établissement des Beaumettes, il y a deux types de personnel. Il y a les agents pénitentiaires qui dépendent de la pénitentiaire. Il y a des agents hospitaliers qui eux, sont sur les unités de soins. Donc, il y a trois unités de soins, la médecine, la psychiatrie, la dictologie, les soins ambulatoires. Et ils dépendent de la PHM, ces agents-là. PHM, qui veut dire ? Assistance publique des hôpitaux de Marseille. Ok. Et vous êtes en grève ? Alors... il y a quelques semaines, la direction générale nous a annoncé son projet de restructuration concernant les Beaumettes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, suite au pacte de responsabilité du gouvernement précédent, ils ont acté de faire 3,5 milliards d'économies sur notre système de santé publique. Et ça se traduit par 22 000 suppressions de postes, 16 000 suppressions de lits. Et derrière, il y a la loi santé avec les regroupements, les fermetures, les mutualisations. Donc dans ce cadre-là, la direction générale profite de l'ouverture des Beaumettes 2 pour supprimer ou ne pas rajouter les effectifs nécessaires, remettre en question les acquis des agents, donc c'est des congés exceptionnels liés aux conditions de travail ou des primes que certains touchent depuis 25 ans. Pour les agents, donc, en fait, le pôle pénitentiaire, ça ne comprend pas que les agents des Beaumettes. Il y a aussi l'hôpital Nord, le centre de rétention des mineurs, quoi. Il y a un tas de petites structures aussi qui dépendent du pôle, et tout le monde est impacté. Faut savoir quand même que les agents hospitaliers qui travaillent dans ce pôle ont un taux d'absentéisme quasi nul. Et c'est bien grâce à ces jours de congé qu'ils peuvent supporter les conditions d'enfermement et la surpopulation et la violence engendrée dans la prison ou ailleurs, avec des personnes dangereuses, que nous, pour nous, c'est des patients, on fait la part des choses, mais derrière, on a dit quoi. Du coup, c'est la qualité des soins qui est moins bonne. Pour rappeler historiquement, depuis seulement 1994, le personnel médical des centres pénitentiaires dépend du ministère de la Santé, alors qu'avant, il dépendait du ministère de la Justice. Mmh. Et vous avez beaucoup de soucis par rapport à ce qui se passe actuellement, notamment en fait de la prise en charge sanitaire des prisonniers, la délivrance des traitements, le besoin aussi de pouvoir des postes comme des postes de radiologistes ou autres, c'est ça? Ouais, c'est tout à fait ça. Suite à la... En fait, ces congés, ces primes, tout ça, ça a aidé à supporter un peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Et faut savoir quand même que l'UHSC, l'hospitalisation pour les personnes sous contention, il y en a 8 en France. Et celui de l'hôpital Nord, c'est un de ceux qui a le plus fort taux de remplissage, si ce n'est pas celui qui a le plus fort taux de remplissage. Donc ça veut dire que c'est des agents qui travaillent dans des conditions difficiles, mais qui font du taf, quoi, et qui mériteraient d'avoir ces primes qui représentent pour certains 10% du pouvoir d'achat. Qu'on leur enlève du jour au lendemain alors que les gens ont fait des crédits, des prêts, quoi, c'est scandaleux. Du salaire et des revendications qui sont liées aux salariés des hôpitaux, il y a aussi tout un environnement qui est propre... Qui est propre à la pénitentiaire, bien sûr. Donc, par rapport à la distribution des médicaments, suite à tout ce projet de restructuration, les agents ont exprimé qu'au niveau de la distribution des traitements, c'était de plus en plus difficile. Et que, limite, ça ne respectait pas les recommandations de la haute autorité en termes de confidentialité, en termes de vérification des traitements, en termes de délivrance. Donc, par rapport à tout ça, les agents réclament à ce qu'on trouve une solution pour distribuer les traitements en milieu pénitentiaire, mais en respectant les recommandations de la haute autorité de santé. Il y a aussi des gros problèmes de sécurité. Par exemple, pour la prise en charge des baumettes historiques, quand les agents seront au baumette 2, il y a un problème d'accès, il y a un problème de sécurité. Il faut traverser un couloir qui est long de 40 mètres, qui est sombre, où elles seront peut-être seules. Donc, nous, on émet des réserves sur la prise en charge des urgences au baumètre historique. Alors, les agences se mobilisent depuis un certain nombre de semaines. Donc, ils ont fait des initiatives auprès de la direction au niveau local avec les agents pénitentiaires en rassemblement et tout. Les agents pénitentiaires, qui eux aussi dénoncent du manque d'effectifs, ont obtenu 20 agents supplémentaires auprès du ministère de l'Intérieur. Les agents des baumettes et du pôle pénitentiaire ont réussi à maintenir leurs primes et leurs congés jusqu'à la fin de l'année, mais ils ne se trompent pas. Ils ont bien compris que la direction lâche un peu pour casser la mobilisation. Donc les agents sont toujours unis, déterminés par rapport à leurs conditions de travail, mais aussi leur salaire. Et derrière, il y a aussi un problème d'effectif. Parce qu'on augmente le nombre de capacités d'accueil de la prison à effectif constant en modifiant l'organisation du temps de travail, la durée. Alors, par rapport à la durée, nous, on les interpelle. Ils nous disent, c'est comme ça, c'est pas autrement. On a du mal aussi à voir comment ça va se passer dans les nouveaux locaux. Alors, c'est sûr que les nouveaux locaux, c'est neuf, c'est beau et tout. Mais dans quelques temps, avec la surpopulation, à mon avis, les locaux, ils ne vont pas rester en bon état longtemps. C'est moi qui le dis, mais ça serait bien d'avoir des points d'étape plus tard pour voir s'il y a des problèmes ou pas de... Pardon. Des problèmes de... Quoi, comment ça se passe. Donc, que ce soit... Donc, il manque des... Quoi, pour nous, il y a un manque d'effectifs. On attaque la durée de temps de travail, on supprime les RTT, on supprime les primes. Et derrière, les agents, on leur demande toujours plus. Mais en retour, on applique la réglementation que dans un sens. Voilà. Et comment ça se passe dans les autres centres pénitentiaires? Vous avez des liens avec eux ou il y a des mouvements de grève? Personnellement, mais je sais que les agents eux-mêmes ont cherché à savoir comment ça se passait dans les autres établissements. Il faut quand même savoir que les Baumettes, c'est la deuxième prison de France. Effectivement, les autres prisons, il y a des endroits où il n'y a pas les primes et tout. Mais à nous de faire en sorte de tirer tout le monde vers le haut plutôt que de tirer tout le monde vers le bas. Moi, ils ont décrit des conditions. Moi, j'ai assisté à la visite. J'ai fait partie des gens qui ont visité avec les syndicats le nouveau bâtiment. Je peux vous dire qu'au bout de 3 heures, j'étais content de sortir. Et pourtant, sans détenus, sans activité. C'est vraiment un milieu particulier. Et c'est bien grâce à ces jours de récupération et tout qu'ils arrivent à supporter des choses qu'ils ne pourraient peut-être pas sinon. C'est bien parce qu'ils ont la soupape, quoi, voilà, à un moment donné, où ils peuvent un peu lâcher la pression. Donc nous, pour nous, c'est, les détenus sont des patients. Derrière, il y a aussi la question de l'enfermement. Dans une prison surpeuplée, ça peut que engendrer de la violence et des problèmes. Et les conditions de travail des agents, qu'ils soient pénitentiaires ou hospitaliers, sont directement liées aux conditions d'enfermement et de dignité humaine. Donc, Guillaume, de façon pratique, ça se traduit comment, en fait, une surpopulation dans une prison ? Beaucoup de violence, que ce soit entre eux, avec les agents, beaucoup de problèmes de sécurité, et puis parfois des décès, des blessés, quoi, ça peut aller loin. Et vos soucis par rapport à la délivrance des traitements ou de la confidentialité, ça se traduit comment en pratique, en fait ? En pratique, vous donnez comment vos traitements ? Moi, le truc, c'est que je ne fais pas partie de la pénitentiaire. Je suis responsable syndical. Moi, je travaille en médecine, voilà. Mais d'après ce que j'ai compris, normalement, on doit donner le traitement nominatif. Donc, il faut vérifier l'identité. Et puis, la confidentialité, on ne distribue pas les traitements devant les autres pour pas que les autres sachent ce qu'a le patient et ce qu'il prend. Et puis derrière, il y a la vérification d'identité. Normalement, on doit pouvoir vérifier le traitement. Et du coup, ben, c'est pas toujours fait comme il faudrait. Mais si c'est pas fait, c'est parce que il n'y a pas le temps humainement ou les moyens matériels. Selon le traitement, il faut un chariot pour faire la tournée, il n'y a pas de chariot. Mais ça veut dire quoi, du coup ? Du coup, il y a des personnes incarcérées qui ne reçoivent pas leur traitement ? Non, non. Ils reçoivent les traitements, mais pas de la manière dont il faudrait. Moi, quand je fais le tournée... Moi, en service de médecine, je fais la tournée des médicaments, je le fais avec l'ordinateur. Devant mes yeux, j'ai les traitements qui peuvent être modifiés, et je vérifie l'identité, et je veille à ce que le patient prenne ses médicaments. Le truc, c'est que quand on fait la tournée avec des sachets, juste le nom... qu'on distribue rapidement aux patients. On ne vérifie pas l'identité, quoi, on vérifie pas le traitement au moment où on le donne. Et derrière, il y a un problème de confidentialité et de sécurité, parce qu'il y a toujours cette question-là derrière. Normalement, quand on distribue le traitement, le personnel n'a pas à se balader au milieu des détenus. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'en fait, vous donnez directement en cellule, c'est ça ? Ben, c'est ça, oui. Et du coup, quand vous donnez en cellule, la cellule elle est souvent surpeuplée ? Ils sont à 2 ou 3 par cellule, donc il y a ce scandale aussi, parce que là ils ont fait beau mettre 2 pour améliorer les conditions de détention, mais on se retrouve avec des cellules qui étaient prévues pour de l'enfermement individuel, qui vont être pour 2 voire 3 détenus, donc c'est inférieur à 9 mètres carrés, c'est petit 9 mètres carrés hein, pour 2 ou 3. Mais en fait, quand tu me racontes tout ça, j'ai l'impression que, tu as la dimension pénitentiaire dedans, certes. Mais c'est un petit peu ce qui se passe dans les hôpitaux en général, en fait, une espèce de... Le lien, mais c'est pour ça que j'ai commencé par ça, quand je t'ai parlé du pacte de responsabilité et des 3 milliards et demi plus la loi santé. C'est qu'aujourd'hui, on se retrouve alors, comment dire ça ? Aujourd'hui, on casse le service public au nom d'une dette qu'on a créée, en mettant le service public en compétition déloyale avec les secteurs privés. Et aujourd'hui, on se retrouve avec l'argent public qui est détourné pour les actionnaires, au détriment des usagers et du personnel. Et ça se traduit par des fermetures, des attaques de salaire, d'acquis. Et c'est ce qu'on vit là. Au Bagne, ils vont fermer la Réa. Dans les hôpitaux de Marseille, tu prends l'hôpital Nord, ils dégomment un paquet de services de pédiatrie ou autre. À Sud, ils ont encore la volonté de vendre de l'immobilier, de ramener du privé. Donc derrière, c'est toujours au détriment des usagers et des agents. Du coup, ça passe par... On pourrait faire le parallèle avec la sécurité sociale. Après la Seconde Guerre mondiale, on a construit la sécurité sociale qui a permis de développer un système de santé avec les CHU, tout ça. Aujourd'hui, on détruit la sécurité sociale et en parallèle, on détruit le système de santé publique. Ouais, c'est ce qu'on constate. Moi, je vois dans les hôpitaux. Enfin, moi, là, récemment, j'étais à un hôpital par rapport à une fracture du pied et tout ça. Et j'ai vu. J'ai rien à reprocher au personnel médical en général, parce que c'est plus des orientations et des consignes ou je sais pas comment dire, qui sont données en fait dans les hôpitaux. C'est politique, bien sûr. J'ai vu qu'on m'a donné le choix pour ma fracture, en fait, à faire ou un plâtre sur place, en me décourageant de faire le plâtre, en fait, qu'il soit en résine ou pas, en m'expliquant que ça serait contraignant, patati patata, et en m'encourageant vivement à acheter une espèce de chevillère et une espèce de fausse chaussure, je sais pas trop quoi, talonnette. Ouais. Mais tout ça, mais le problème, c'est que ça me coûtait. En fait, c'était pas pris en charge par la mutuelle ou la sécu, et du coup, ça m'a coûté 50 balles de plus de ma poche. Ah, mais c'est exactement ça. C'est... Pour un truc dont j'ai pas le sentiment qu'il soit bien. D'autant que pour le suivi, en plus, on m'avait dit d'appeler directement. Enfin, je me rappelle, moi, quand j'étais petit, on me donnait direct un rendez-vous pour le suivi, quoi. Et là, on m'a demandé d'appeler, en fait, un standard que j'ai appelé pour avoir un rendez-vous dans 2 semaines. Sauf qu'il se trouve que c'était saturé et qu'on m'a donné rendez-vous 1 mois et demi après. Mais ce que tu dis là, c'est en fait, on ne le mesure pas quand on n'est pas hospitalisé. C'est le jour où on est hospitalisé qu'on touche du doigt la maltraitance institutionnelle, ce que j'appelle moi. C'est l'institution qui est maltraitante envers les agents et envers les usagers, par manque d'effectifs, par manque de moyens. Les urgences de la Timone, ce n'est pas un secret. Il y a des grosses difficultés liées au manque d'aval, au manque de lits d'aval. Donc des patients qu'on devrait traiter en urgence, qu'on ne traite pas forcément en urgence et qui se retrouvent avec des séquelles, des erreurs de diagnostic, quoi. Et puis quand tu vois que des épidémies comme la grippe, on est à peine capable d'y faire face, ça pose des soucis quand même, parce que c'est prévisible et ça fait partie des maladies hivernales qu'on a chaque année. Aujourd'hui, presque, on sort les personnes âgées plus fragile pour laisser la place aux plus jeunes. On en est là. Aujourd'hui, on fait une sélection par l'âge des patients qu'on va traiter en priorité. Donc, et j'imagine que dans la dimension carcérale où évolue le personnel de santé qui est détaché là-bas, c'est encore plus compliqué à gérer et à entrevoir. Bien sûr. Ben, en tant que soignant, c'est horrible. On nous impose des organisations qui, pour nous, sont aberrantes et on vient nous expliquer que ce n'est pas l'organisation qui est en faute, c'est nous qui ne sommes pas bons. Alors que non, c'est bien l'organisation du travail et le manque d'effectifs qui engendre toutes ces difficultés, ces souffrances. On pourrait le faire en parallèle avec les maisons de retraite. C'est la même chose, c'est pareil. L'usager, ça lui coûte cher, mais lié au manque de personnes, eh ben, il n'a pas les soins qu'il devrait avoir. Donc ça, on le vit, nous. Moi, je suis à l'hôpital à la Conception. Là. Je peux vous dire, dans mon service, il n'y a pas de douche dans les chambres. J'ai 3 douches au milieu du couloir. Ça semble aberrant à notre époque. À côté de ça, l'ARS va donner 50 millions d'euros à la clinique du Vélodrome, qui est une usine à gaz, qui est une usine pour faire du soin et du fric. Donc on voit bien que l'argent est détourné et tout ce qui est rentable est donné au privé. Donc le public se retrouve à traiter les maladies chroniques, mais il n'a pas les financements qui vont avec. Donc on ferme des activités, on ferme des services, on supprime du personnel. Et derrière, on se retrouve avec des déserts médicaux, surtout que derrière, il n'y a pas le relais avec la médecine de ville. Donc, je voulais te demander, Guillaume, est-ce que les Baumettes 2 fait partie du dispositif de prison semi-privée ou privée, ou pas du tout? Alors, moi, je sais qu'ils sont... Après avoir entendu les agents pénitentiaires, mais je maîtrise mal, je ne voudrais pas dire de bêtises, j'ai cru comprendre qu'ils avaient privatisé le service technique. Mais derrière, oui, effectivement, on peut se poser la question sur le désengagement de l'État, sur toutes les questions qui les concernent. Concernant le soin, nous, ce qu'on identifie à la CGT, c'est qu'on est dans une marchandisation du soin. Et aujourd'hui, c'est pas le patient qu'on veut, c'est faire du soin. Et c'est rentable. Le soin est rentable, soigner ne l'est pas. Donc, on en est là aujourd'hui. Et même à l'hôpital public... Quand vous allez demander une consultation, on vous dit en privé ou en public? En privé, c'est dans la semaine. En public, c'est 3 mois après. Donc déjà à l'hôpital, il y a le privé dedans qui est rentré. Et juste, j'ai du mal à visualiser. En fait, comment ça se passe pour... je ne sais pas si tu es même au courant. Je tiens à préciser juste que le personnel de santé qui est détaché au centre de pénitencier des Baumettes a un droit de réserve, donc il ne peut pas s'exprimer directement. Du coup, c'est Guillaume qui s'exprime et qui est quelque part. Eh oui, c'est quand même assez... oui, on est d'accord. Moi, c'est vrai qu'un agent qui explique, quand on a fait toutes nos initiatives, qu'on s'est retrouvé face aux directions, c'est vrai que les agents, ceux qui les décrivent, le directeur en face, avec ses argumentaires à deux balles de règlement, de machin, de bidule, il baisse les yeux. Il n'a pas de réponse. Quand, je peux vous dire qu'ils sont en difficulté, la direction, sur ces questions-là, parce que justement, comme moi, on n'imagine pas ce qu'ils subissent. Et quand ces agents-là viennent expliquer, voilà, faut le vivre pour le comprendre. Et c'est vrai que le directeur, je ne le vois pas faire la distribution des traitements. Et leur mobilisation, elle se passe comment? Elle se traduit comment concrètement? Alors, c'est les agents qui se sont mobilisés spontanément. Ils ont compris que pour se mobiliser, il fallait être unis et faire les choses de manière quoi, être unis et déterminés. Ils l'ont été jusqu'à présent. Ils ont réussi un peu à faire reculer la direction. C'est une première étape. Maintenant, ils ont bien compris qu'ils devaient continuer à se mobiliser dans l'unité. Et moi, nous, les syndicats, on les accompagne finalement, c'est tout. Et parce qu'ils sont unis, ils ont l'unité des syndicats. Et c'est bien leur unité qui fait que les syndicats sont avec eux derrière. Donc les agents, ils ont compris ça et ça. Quoi, ils sont unis, soudés, que ce soit à nord ou à sud, les agents, ils se mobilisent de la même manière, tous ensemble. Et c'est ça qui fait la différence. Et je pense que c'est ça qui a fait lâcher un peu la direction, de peur que ça donne le feu aux poudres, parce que tous les établissements de la PHM ont des raisons aujourd'hui de se mobiliser. Physiquement, ça se traduit comment? Je veux dire, c'est des blocages, c'est une cessation de travail, c'est ça se passe comment? Alors, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que les agents de ce pôle ont le plus bas taux d'absentéisme de tout la PHM, alors que la PHM, il explose les moyennes au niveau national. Et les agents nous ont expliqué que c'est bien grâce à ces congés qu'ils tiennent le coup. Et effectivement, tu as dû en entendre parler, mais depuis le début de l'année, les suicides dans le milieu hospitalier, que ce soit les internes, les infirmières ou autres, il y en a de plus en plus. Donc ça se traduit par des burn-out, par des maladies, par des accidents de route, de trajet, quoi, voilà. Les risques psychosociaux sont majorés quand les agents sont maltraités. Donc ça peut être aussi, tu peux somatiser, il peut y avoir plein de choses. Moi-même, je te cache pas qu'il y a des fois où quand, en plus, du fait du manque d'effectifs et tout, on n'a plus de vie privée. Tu es rappelé à la maison pour venir sur ton repos, ainsi de suite. Quand ils comptent les effectifs, la direction, ils comptent même les absents, même ceux qui sont enceintes. Sur le papier, tu en as 10, en réalité, tu en as 6. Donc derrière, c'est vrai que ça entraîne de l'accumulation de fatigue et puis... Au bout d'un moment, tu craques, quoi. Mais on est des humains. Hein. Et puis, quand un soignant il est maltraité, comment tu veux qu'il fasse du soin de qualité? C'est pas possible. S'il faut soigner le soignant qui soigne, on s'en sort plus, quoi. C'est aberrant. Guillaume, on peut avoir des informations sur l'évolution de ce qui se passe ou pas Bien sûr, au contraire. Tu m'appelles, tu me dis quand, et puis... Et puis on reste en contact. Après, pour la suite, nous, je te dis, les agents, ils ont compris qu'il fallait poursuivre et rien lâcher et continuer dès aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été avancées. Je ne peux pas te dire quoi, mais ce que je peux te dire, c'est qu'on compte bien interpeller quand même les responsables politiques et faire jouer tout ce qu'on peut pour appuyer au niveau du ministère de la Santé, pour que derrière, les agents... leur congé ou leur prime soit pérennisé. Surtout qu'à l'époque, ce qu'il faut savoir quand même, l'histoire de ces congés, d'où ça vient? À l'époque, pour séparer... En fait, si tu veux, ces 13 jours de congé, les agents pénitentiaires, c'est acté, ils l'ont. Par esprit d'égalité, les agents hospitaliers doivent l'avoir. À l'époque, ils avaient proposé de détacher les agents hospitaliers. Mais par séparation des pouvoirs, parce qu'il faut avoir un regard externe et de soignants, Ça n'a pas été fait. Donc, du coup, en CA, ils ont acté ces 13 CA. Ces 13 congés exceptionnels. Mais c'est pas tombé du ciel, quoi. Y a des raisons, il y a une histoire. Et ça fait 25 ans que c'est ainsi. Normalement, c'est de l'acquis. Il n'y a pas à remettre un truc il y a 30 ans, quoi. Surtout que derrière, de par leur activité et de par leur manque, quoi, et de par du faible taux d'absentéisme, ils en ont besoin, quoi. Il n'y a pas de doute. Et c'est légitime, leur demande. Merci beaucoup, Guillaume, pour, rien, Moustapha, pour ton intervention. C'était cool. Écoute, tu me rappelles, il n'y a pas de problème, hein, je te donne l'évolution. Ok, sans problème. Merci beaucoup, oui, à toi. Tout de suite, on va s'écouter un son qu'a demandé une des infirmières du personnel de santé des Baumettes, qui est Castration mentale de Cléo. Et à bientôt, Guillaume. À bientôt, Moustapha, merci. C'est moi. On écrit au testament sur des feuilles blanches. C'est notre race sur terre. On est en 2013, Starley. Mais en 2031, pour ceux qui comprennent. Trop loin pour eux. Trop trop loin pour eux. Spirituel cette musique, on blague pas avec. Tu vois. Mentalement castré, nos leaders n'ont rien de Castro. Du glaçon, de la graisse à la place du cerveau. J'ai des crampes aux miens, à force de penser à mon peuple. Mon peuple, ce putain de peuple. À force de penser à ce peuple, mon crâne se lézarde comme un œuf, explose comme une bombe. Un molotov cocktail, éparpille mes pensées dans l'univers. Comme les comètes et les galaxies, les planètes et puis les molécules. Les neurones dans le piment sont issus. On se jette dans l'au-delà et on se lave dans les cris du tonnerre. Avalé par le chaos, broyé, incinéré. On se repose dans nos caveaux. Nos centres se mêlent à l'air comme cette fumée qui fuit nos lèvres pour disparaître dans la nature comme Ben Barka. Toi, lui ou moi, si t'es contre eux, leur putain de système. Les fantômes désertent les cimetières. Nos politiques ont la laine des lagunes de Lomé ou des ruelles de Takoradi. Croire aux chimères ou mourir, car nos cœurs sont tombés sous le charme de la méduse. Cœur sale et main pure, j'ai pur ma science dans les flammes du ciel. L'écriture comme exutoire, elle me donne des ailes. Et je plane dans ma tête en direction de Zion. Allons les resserrer avec mes lions. Il en existe encore, loin de ces chiens, ces moutons qui tuent leur temps en broutant de l'herbe. M'amène Isimo, grâce à Dieu portera la touche. Lui-même sait qu'on a besoin d'avocats comme Vergès ou Femi Felana. Un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Mukela naemi la chaya meu, azole rose mi le jav mal. Qui veut dreigner ni attend, mime les coins macho. Mkwe bon ami, on a que deux mains, 10 doigts. Pour bâtir des pyramides aussi solides que les squelettes de nos idéaux. Et ben dis-toi que la force est en toi. Quand le mal donne des coups violents, dans les points vitaux, le diable s'élève contre nous comme le mur de la honte. Mais on l'écroule comme seul Jericho de Berlin, Nick Jean-Paul Guerlain et ces bâtards racistes qui courent les rues comme Romuald le Donto, esclave des temps modernes. J'ai refusé de pleurer, soulève le peuple cop. Soulève le peuple. Yes cop. Yes. Jésus Christo. Des larmes de Christo. Des larmes de Christo. Carmental et la castration. Bienvenue sur l'émission Fond près du radiateur 106.3 Radio Fréquence Paris Pluriel. Toujours avec Robinson, Mouloud et Moustapha. On a eu le collectif La Lab tout à l'heure. On a eu Guillaume aussi qui est de l'Union Locale CGT syndicale des hôpitaux de Marseille et qui parlait du personnel qui est détaché dans les centres pénitentiaires, enfin dans le centre pénitentiaire des Baumettes, et de leur grève et de leurs revendications. On a entendu tout à l'heure des voix de SDF et on a dû faire on a fait une transition mais trop sec et trop franche avec les difficultés qu'on a en fait. Je vous explique, quand on reçoit des gens et que c'est par téléphone, c'est très compliqué de faire les enchaînements. Les gens appellent une certaine heure, on ne peut pas trop les faire patienter et tout ça. Du coup, on est obligé d'enchaîner direct avec eux. Et là, on a entendu ces voix de SDF. Je les ai choisies exprès, en fait. Je les ai mis parce qu'on est entre deux tours. Et je les ai mis un petit peu comme disait Fatima de la Lab tout à l'heure. Bah, en fait, j'en ai ma claque de tout l'environnement qui est autour de moi, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue. Genre, je suis posé dans un café. J'étais posé dans un café dimanche après-midi. Il faisait assez doux. Et tout le monde parlait en fait de deuxième tour, du premier tour, de ce qui se passait. Tu votes pas, tu t'abstiens pas, tu votes Macron, Front Républicain, patati, patata. Et du coup, je suis un petit peu saoulé de tout ça. Et je voulais replacer un petit peu la réalité des choses, la réalité des choses de certaines personnes en fait qui est assez violente, celle des SDF, des pauvres, des travailleurs sans toit, et qu'on peut décliner à l'infini, et qui font partie de ces gens en fait qui sont abstenus dès le premier tour d'ailleurs, et qui étaient majoritaires, enfin la plus forte minorité qui n'a pas voté, et qui dépassait de bien loin Macron ou Le Pen, tout ce qu'on veut quoi, ou Mélenchon ou tous ces gens-là. Et du coup, pour moi, les élections du premier tour, elles posent question, en fait, dans le sens où pourquoi autant d'abstention alors que on avait un super candidat, Superman de la gauche, Zama, entre guillemets, qui était là, Mélenchon en question, et qu'on avait autant de choix politiques. Pourquoi ? Ben justement, on devrait se dire pourquoi. Pourquoi les gens n'ont pas suivi Mélenchon ? Pourquoi les gens n'ont pas suivi Macron ou Le Pen ? Parce qu'en fait, c'est ça. Sur un quart des gens inscrits au lycée électoral, il y a plus d'un quart qui n'a voulu ni l'un, ni aucun des gens présentés. Et sur le reste des gens présentés, ils représentent à peine un cinquième de un cinquième, même au deuxième tour. Quoi. Donc il y a un gros problème. Et on n'arrive pas à y répondre. Même les gens dans les luttes en général, ou les espèces de leaders d'opposition, ou les leaders de la lutte militante, entre guillemets, que ce soit des luttes d'ethnoculture africaine, asiatique, ou des luttes de blancs, ou des luttes collectives, ou tout ce qu'on veut. Il y a un gros problème qu'on n'arrive pas à résoudre, et 2002 l'a révélé, ça s'est accentué, et du coup on fait quoi, on fait comment? Toi tu voulais en parler, Mouloud? Rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je trouve que c'est ce qui est intéressant un peu dans les propos à la fois de la personne qui décrit les questions de santé ou des personnes qualifiées de SDF, c'est-à-dire bref, à la rue et qui doivent survivre. C'est que la politique, c'est aussi de la réalité très concrète et que la situation va s'accélérer. Ça, c'est une chose très précise. Si on parle des deux candidats, en tout cas, le projet qui va être mis en place dans les quelques jours est déjà mis en place. Il y a une accélération. Et moi, ma référence, c'est un peu comme ce qui s'est passé en Grèce. C'est au fond, on va vous dire du jour au lendemain, déjà c'est intéressant de mettre en lumière que quand tu es à la rue, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Quand tu es à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire toutes ces cassures, fractures de soi-disant l'État-providence, etc., ça a des réalités concrètes quand tu es dans des quartiers soi-disant populaires qui sont devenus des cités, etc., etc. L'accélérateur, c'est au fond, c'est ce que j'avais entendu au moment de la Grèce, c'est du jour au lendemain, au fond, on vous dit, on ferme les lumières. Hein. C'est ça qu'on est en train de parler. Les lumières sont déjà éteintes et on va vous dire que les lumières sont éteintes. Hein, tout est en pénombre et là, M. Macron, qui va être élu, M. Facebook, va éteindre la lumière et du jour au lendemain, on va enfin dire pour une massification, si c'est déjà assez massif la pauvreté, vous n'aurez plus de retraite, point, basta, au revoir. C'est ce qui est en train d'arriver. Voilà. Et je trouve que, effectivement, je n'avais pas réfléchi à. Mais les mots qui sont dans cette émission sont intéressants dans le sens où déjà c'est mis en place. On pourrait parler pendant des heures entières sur les questions du logement. Il y a de l'espace, ce n'est pas un souci. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes dans la région parisienne sont soit dans leur voiture, soit en forêt, soit à la rue, soit des multitudes. Il n'y a plus de mot SDF. Il y a des réalités humaines où les gens sont en train de crever. Moi, j'ai assisté à un truc qui est très simple. C'est l'accueil de jour dans le 15e arrondissement de Paris. Tu te balades dans la rue, tu ne t'aperçois pas hein, qu'il y a de... Et d'un seul coup, entre deux portes cochères, tu vois la réalité de cet arrondissement. Qu'est-ce que c'est comme conséquence de virer les gens sans logement, sans travail, etc. Et la massification. En tout cas, ça, c'est un des aspects centrales. C'est ça. C'est que l'économie a pour rôle aujourd'hui de détruire des vies. Et les vies, on va avoir des rues et des armées de gens sans nom, sans prénom aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Et que ça va toucher, ça touche tout le monde. Autre chose, C'est un peu vaste, mais quand même, on est. Je trouvais ça aussi intéressant d'interviewer ce collectif de fans parce que effectivement, ce qu'on cache, c'est des campagnes régulières, successives, qui ciblent des populations. On est dans un ciblage de populations et notamment les populations qu'on pourrait mettre de manière globale, qui sont issues des ex-colonies françaises, Algérie, Maroc, Afrique, qui sont les premières. La cible de campagne de ceci. On l'a vu sur le Burkini, on le voit dans un des aspects, petit aspect, qui est la question de l'islam, qui n'est pas rien aujourd'hui. Et à la fois, vous avez la destruction de ce qui reste, hein, merci la gauche, merci les syndicats, etc., et en même temps, des campagnes massives qui ciblent des populations, qui vont être les premières à être la cible, sinon... pour préparer de continuer à attaquer ce qui en reste. C'est en fin de compte des campagnes sécuritaires qui disent le terrorisme, ce sont le jeune Bougnoul, c'est l'islam, c'est l'arabe, etc. Et en même temps, tout ce qui reste comme code du travail, on vous le déchire, etc. C'est à la fois la politique sécuritaire et en même temps un programme qui finit de ce qu'il en reste. Merci Mouloud. C'est un peu ça, voilà. Il nous reste à peu près 4 minutes d'émission, après on enchaîne avec Dobout. Juste pour rappel, il y a une grosse mobilisation actuelle sur les prisonniers politiques palestiniens. Il y a eu un rassemblement à République, initié par la Dubs, tout ça, avec pas mal de gens. Il y a à peu près 1500 prisonniers qui font une grève de la faim et qui l'ont entamé depuis plus d'une semaine, presque 10 jours, il me semble, d'ailleurs. Je pense à vous le dire, mais je pense aussi qu'il y a des choses qui sont à dire. Par exemple, au premier tour des présidentielles, en fait... Les 6-7 premiers partis politiques, enfin les 6-7 premiers candidats des partis politiques qui ont été présents au premier tour et qui sont arrivés premiers, aucun n'est anti-sioniste. Non mais sincèrement, le problème palestinien, il ne se réglera jamais tant que les partis politiques ne reconnaîtront pas qu'il y a une grosse erreur qui a été faite, c'est la création de l'État dit d'Israël en Palestine sur le dos et derrière la population palestinienne. Et tant que cette population palestinienne n'aura pas le droit à son autodétermination et qu'on ne démantèlera pas l'État d'Israël, dit d'Israël plutôt, en fait, on ne réglera jamais le problème. Parce que les 7 premiers candidats, il y a eu le premier candidat qui était le plus anti-sioniste, mais en fait, non. C'est le sioniste le plus modéré qu'il y a eu dans cette campagne, ça a été Mélenchon. En parlant de reconnaissance de l'autorité palestinienne, de la Cisjordanie sous forme d'État à l'ONU, ce qui est une farce quand tu connais le problème palestinien et quand tu connais l'état des choses en pratique, mais une immense farce. Mais comme tu parlais tout à l'heure du collectif Alab et de Fatima qui a parlé, c'est pareil, quand tu regardes les 6, 7, 8 premiers candidats qui sont arrivés, mais en fait, tous sont islamophobes ou religiosophobes, ou je ne sais pas comment dire, parce qu'il y en a, ils sont cathos quand même, ou d'autres confessions, et l'islam est en ligne de mire, donc on ne peut pas dire religiosophobe pour ces gens-là, mais plutôt islamophobe à fond. Ils ont tous lâché des propos islamophobes de Le Pen en allant à Mélenchon, si on veut. Et du coup, pour moi, c'est compliqué, en fait. Quand tu es musulman ou antisioniste, pour qui tu vas voter, bah, tu n'as pas trop envie de voter, ou tu votes par dépit ou par choix. Et, ouais, et là, du coup, on va conclure, on va arrêter. En tout cas, une des choses, et après, je te laisse finir, une des choses, c'est que la politique, c'est du concret, c'est du réel. Et aujourd'hui, ça va être encore plus ça, et encore plus, je veux dire, l'urgence à faire deux choses, à réagir, mais aussi à penser. Parce que si on n'arrive pas à penser, on ne pourra pas créer du collectif. Et il faut que construire et repenser, parce que sinon, on se fait avaler et massacrer. Merci Mouloud. C'est ça la question. Bon, on va vous laisser, on va vous quitter. Juste une précision, hein. L'antisionisme, c'est être contre le fait d'autoriser une communauté, quelle qu'elle soit, et notamment là, en l'occurrence, la communauté religieuse ou athée de culture juive, à former un État sur le dos d'une population locale, en l'occurrence, les Palestiniens. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas le fait d'être sioniste modéré qui fera que les choses avancent. Voilà. À bientôt et à mardi prochain. Les saluts à tous. Gardez le moral, c'est important. Ouais, gardez la pêche.